Chapitre 38. L'épouvante. Ophélie n'émit pas un son pendant que Lazarus les conduisait entre les bassins de nénuphars d'une démarche dansante. Elle comprimait le livre de la lie d'Ieux contre son estomac pour étouffer ses tremblements. Malgré la moiteur de la nuit, elle avait l'impression que son sang s'était converti en glace. Elle s'efforçait de ne rien laisser paraître, mais l'écharpe ressentait sa peur et s'agrippait à son cou. Thorne, absorbé par ses propres pensées, battait le sol de sa canne avec une détermination nouvelle. Ophélie aurait voulu lui hurler que l'assassin se tenait parmi eux, mais elle aurait précipité leur perte, non. Il lui fallait impérativement conserver le contrôle de ses nerfs, regarder droit devant elle, ne pas éveiller les soupçons. Un plan déraisonnable, un plan plein de lacunes, mais un plan tout de même, se mettait petit à petit en place dans son esprit. « Vous allez bien, miss ?» s'enquit poliment Ambroise. Il manœuvrait son fauteuil de façon à se maintenir à sa droite, son doux visage levé vers elle, comme s'il cherchait désespérément son absolution. Ophélie se contenta d'un hochement de tête. Elle fut rassurée de voir Lazarus gravir en sautillant l'escalier d'une terrasse, les basques de sa redingote agitées comme des ailes. Thorne monta pesamment après lui, marche par marche, incapable d'articuler le genou de son armature. Il n'y avait aucune rampe d'accès pour atteindre la terrasse. Ambroise ne pourrait plus les suivre. Pas aisément, du moins. Lorsqu'Ophélie lui accorda un dernier coup d'œil depuis le haut de l'escalier, la peau sombre de l'adolescent et le bois de son fauteuil se fondaient complètement dans la nuit des jardins. Seuls ses habits blancs tranchaient sur les ténèbres, donnant l'illusion qu'un fantôme se tenait assis au milieu du néant. Le plan d'Ophélie allait peut-être marcher. Le Lazaroptère les attendait sur la terrasse en marbre. Il s'agissait d'un appareil dont la voilure tournante et la structure en métal évoquaient, à la lueur des lampadaires, un gigantesque squelette de libellule. Walter était en train de piloter une passerelle d'embarquement. Les hélices de l'aéronef projetaient de telles bourrasques qu'Ophélie sentit l'air claquer contre ses joues et faire voler ses boucles dans tous les sens. Elle prit une profonde inspiration pour s'armer de courage, puis elle tendit l'air des miracles à Thorne alors qu'il se dirigeait vers la passerelle. « La vérité que nous avons découverte, » lui dit-elle d'une voix assez forte pour recouvrir le vrombissement des hélices, « ce n'est probablement pas ce que les généalogistes voudront entendre. »« Peu m'importe, j'ai rempli ma part du contrat. » Au moment de saisir le livre, Thorne referma autoritairement ses doigts sur ceux d'Ophélie et planta son regard dans le sien. Le vent, en hérissant ses cheveux, le faisait paraître encore plus revêche qu'à l'accoutumée. « Vous n'avez pas l'intention de m'accompagner au mémorial ?» constata-t-il. « Pourquoi ?» Ophélie n'avait cessé d'accumuler les mensonges depuis son arrivée à Babel, souvent par nécessité, quelquefois par facilité. Mais s'il y avait bien une personne au monde à laquelle elle aurait voulu être pleinement transparente, c'était l'homme qui lui faisait face en cet instant. Elle lui mentit pourtant effrontément, yeux dans les yeux. « Je souhaite m'entretenir avec Ambroise. Nous avons besoin de clarifier certaines choses, lui et moi. De toute façon, vous ne comptiez pas me présenter au généalogiste. Je me trompe ?» Les doigts de Thorne écrasèrent les siens avec plus de force encore. La soupçonnait-il de ne pas lui livrer le fond de sa pensée ?« Vous ne bougez pas d'ici jusqu'à mon retour. Des gens sont morts pour avoir approché le secret dont nous sommes les détenteurs. » Ophélie faillit fléchir sous son regard de plomb. Elle voulut supplier Thorne de rester avec elle sur cette terrasse, mais si elle se trahissait ici et maintenant, alors oui, ils mourraient tous les deux, de la plus atroce des façons. Il n'y avait qu'une solution pour arrêter l'assassin, et cela impliquait pour Ophélie de lui parler, seul à seul. Elle trouva sans trop savoir comment la force de sourire. « Je ne bougerai pas. » Thorne lui libéra les doigts à contre-cœur et ne garda que le livre. Ophélie dut se faire violence pour ne pas courir derrière lui quand il monta la passerelle. Lazarus se précipita sur la main qu'elle avait laissée en suspens pour la secouer en riant. « J'ai été positivement ravie de vous revoir, jeune lady. Nous ne nous reparlerons pas tout de suite. » « Je vais avoir beaucoup à faire dans les prochaines semaines et je n'aurai sûrement pas le temps de repasser à la maison cette nuit. Sentez-vous-y comme chez vous. Je vous souhaite bonne chance dans votre quête de l'autre, » ajouta-t-il en se collant tout contre son oreille. Ne vous fiez pas à vos yeux pour le trouver. Nul ne sait à quoi il ressemble, ni sous quelle forme il vous apparaîtra le moment venu. Si vous me permettez un dernier petit conseil, intéressez-vous aux échos. Ils sont la clé de tout. Blast ! Lazarus galopa sur la terrasse. Son haute forme blanc, soufflée par les hélices, s'était envolée vers les étoiles. Ophélie l'avait à peine écouté. « Laissez-les partir avec le livre !» chuchota-t-elle au vent, alors que Lazarus montait la passerelle à son tour. « C'est moi qui t'intéresse, n'est-ce pas ?» La présence était toujours là. Sans la mémoire de Lali, Ophélie ne l'aurait probablement jamais remarqué. L'appareil s'éleva dans un tournoiement d'hélices avant de se perdre au fin fond de la nuit. Thorn était en sécurité. Le vent et le silence retombèrent. Ophélie déglutit avec difficulté, puis elle tourna franchement la tête. Les lampadaires de la terrasse, bourdonnant de moustiques, dédoublaient l'ombre de l'homme qui était resté à côté d'elle. Pour la première fois depuis le début de la soirée, elle le vit. Très distinctement. Malgré une triple épaisseur de cheveux, de sourcils et de barbe. Même à cet instant, il lui semblait incroyable que ce vieux balayeur, à l'apparence si inoffensive, eût épouvanté tant de personnes. Le soir où j'étais enfermé dans le local de l'incinérateur, lui dit Ophélie avec un calme qu'elle était loin de ressentir. « C'est toi qui m'as ouvert la porte. » Il ne lui répondit pas. Il était impossible de discerner son expression sous toute cette pilosité qui l'ensevelissait. « Tu étais là !» insista-t-elle. « Tu étais là quand le sans-peur me menaçait. Tu étais là quand Médiana me faisait chanter. Tu m'as protégé, de la même façon que tu as protégé mon œuvre, souligna Ophélie en mettant toute sa conviction dans le possessif. Tu as puni le professeur Wolfe pour avoir volé l'un de mes livres et mis silence pour les avoir presque tous détruits. La silhouette décharnée du vieil homme, dont l'équilibre semblait bancal sans son balai à la main, se redressa lentement à ces mots. Ophélie sentit une goutte de sueur glisser entre ses omoplates. Son plan reposait entièrement sur sa prestation à incarner Eulalie Dilleux face à lui. Il la confondait avec elle. Elle le savait parce qu'elle avait inspiré le même trouble à Farouk, à Pollux, peut-être même à Hélène et à Artémis. « Un autre, » avait dit Médiana. « Il y en a un autre. »« Tu es toi aussi un esprit de famille, » déclara Ophélie avec aplomb. « Un esprit de famille, de l'ombre, inconnu du monde, parce que ton rôle à toi est différent. Tu protèges mon école, tu protèges mon œuvre. » Le vieillard ne remuait pas, pétrifié comme une statue. Ophélie ne s'y trompait pas. Les fauves se tenaient souvent immobiles avant de fondre sur leur proie. « Je t'ai doté d'un pouvoir à double tranchant, » enchaîna-t-elle d'une voix à peu près stable. « Celui d'inspirer soit la peur la plus absolue, soit la plus complète indifférence. C'est un lourd fardeau que je t'ai fait porter durant des siècles, condamné à ne jamais vraiment exister pour les autres qu'en les épouvantant. » Ophélie énonçait des vérités que le vieux balayeur connaissait déjà, mais elle devinait chez lui comme une hésitation. Elle devait le convaincre, se convaincre elle-même, qu'elle était Eulalie à cet instant, et uniquement Eulalie. Elle dut déployer tout ce qu'elle possédait de volonté pour ne pas reculer lorsque le balayeur s'avança mollement, superposant son ombre à la sienne. Il lui semblait qu'elle était soudain beaucoup trop à l'étroit dans son propre corps. Elle aurait voulu dénouer son écharpe qui, de plus en plus anxieuse, l'étranglait à moitié, mais elle parvenait à peine à remuer les doigts. Si elle ne se calmait pas très vite, cet esprit de famille n'aurait pas besoin d'utiliser son pouvoir pour la faire mourir de peur. « Je suis désolé, » lui murmura Ophélie. « Tu as été seule si longtemps. Tu n'es plus obligée de faire tout ça pour moi. L'école que nous avons connue a cessé d'exister. Tes frères et tes sœurs sont suffisamment grands à présent. Mes livres ne valent pas la peine, concentres-tu pour eux. Tout ce qui était important autrefois ne l'est plus aujourd'hui. Tu dois passer à autre chose. Tu comprends ? Peut-être était-ce un effet de son imagination, mais il lui sembla distinguer une étincelle à travers la frange du vieux balayeur. En deux lentes enjambées, il avala le peu de distance qui les séparait, puis d'un mouvement presque reptilien, vertèbre après vertèbre, il se pencha en avant jusqu'à ce que son dos eût formé une bosse anatomiquement inhumaine. Son visage broussailleux grotesque ne se tenait plus qu'à un souffle de celui d'Ophélie. À ce détail près que le sien ne respirait pas, y avait-il seulement une bouche de l'autre côté de cette barbe? Y avait-il des yeux sous les buissons de ses sourcils? Au premier geste impulsif, ce serait l'ouverture des hostilités. Le vieux balayeur demeura un long moment ainsi arqué à s'en briser les os, dans un face-à-face à la limite de la décence. Lorsqu'enfin il se décida à se remettre en mouvement, ce fut pour déplier son long bras osseux et lever une main squelettique et soulever ses cheveux. L'étincelle qu'Ophélie y avait aperçue ne provenait pas d'un regard, mais d'une plaque d'aluminium boulonnée directement sur la peau de son front. Une inscription minuscule à peine visible dans la lumière falote des lampadaires y était gravée. Elle reconnut ses caractères sans être pour autant capable de la comprendre. La mémoire de Lali ne poussait pas si loin le souci du détail. C'étaient les mêmes arabesques que celles qui figuraient dans les livres des esprits de famille, un code décrivant leur nature intrinsèque et définissant leur raison d'être. Cette plaque était certainement bien moins complexe qu'un livre, ce qui expliquait le comportement primitif du vieux balayeur, mais elle n'en était pas moins sa force vive. Ophélie était en train de se demander pourquoi il tenait tant à lui montrer quand il tapota dessus de son grand ongle. Tu veux que je la retire ? Ophélie avait retrouvé sa voix. Elle avait beau savoir que cette créature antique avait donné plusieurs fois la mort, elle ne se sentait ni le courage ni le droit de l'assassiner à son tour. Si terrifiée fut-elle, elle se sentait responsable de lui. Eulalie, en cessant d'être Dieu et en devenant Dieu, l'avait abandonnée à son sort. Si Ophélie avait hérité de sa mémoire, pour une raison ou pour une autre, n'avait-elle pas hérité aussi de sa culpabilité ? « Miss Ophélie, c'est vous ? Vous n'êtes pas partie avec mon père ?» C'était Ambroise qui, l'ayant vraisemblablement entendu depuis le bas des marches, s'était exclamé de surprise. L'espace d'une fraction de seconde, Ophélie avait instinctivement réagi à l'appel de son nom. Ce ne fut qu'un bref, un infime mouvement de tête vers l'escalier, mais quand elle ramena son regard sur le vieux balayeur, elle sut qu'elle s'était trahie. Il n'avait pas bougé d'un cheveu, toujours exagérément penché en avant, une main soulevant sa frange, mais l'atmosphère autour de lui s'était brutalement épaissie. « Je dois fuir, » comprit-elle. « Appelez à l'aide. » Elle n'en fit rien. Ses jambes semblaient s'être enlisées dans le marbre. Chaque aspiration lui donnait la sensation d'avaler une eau marécageuse. Son corps ne lui obéissait plus. Il n'était désormais qu'un chaos d'entrailles dont chaque molécule hurlait dans le plus désespéré des silences. Jamais, y compris à l'intérieur de l'isoloir, Ophélie ne s'était sentie aussi absolument seule, comme si d'un impitoyable coup de ciseau, on avait rompu le lien qui la rattachait à tout ce que le monde possédait de beau et de bon. Même son écharpe pendait à son cou comme un poids mort, vidé de tout animisme. Et alors qu'elle croyait avoir touché le fond de la terreur, la véritable peur commença à remonter le long de son corps, à enfler dans ses viscères, à tout envahir, tout dévaster, jusqu'à l'explosion. Il lui fallut quelques secondes pour réaliser que l'explosion ne s'était pas produite en elle, mais à l'extérieur. Les muscles tétanisés, le ventre secoué de spasmes, elle fixa le visage du vieux balayeur devant elle. La plaque de son front était perforée d'un énorme trou. aucune goutte de sang ne s'en écoula, et durant un moment, il demeura dans la même position absurde, voûté jusqu'à la bosse, une main maintenant sa frange en l'air, puis, enfin, il s'écroula sur le marbre, comme un pantin désarticulé. Mort. Les jambes d'Ophélie se dérobèrent sous elle. Elle se recroquevilla, régurgita son thé, et ensuite seulement elle trouva la force de se retourner vers celui qui lui avait sauvé la vie. Une ombre se tenait accroupie sur la balustrade de la terrasse, un fusil de chasse à la main. Elle était si petite et si souple qu'Ophélie pensa d'abord à un singe, mais lorsque la silhouette se redressa, elle vit que c'était un enfant en simple pagne, le fils du sans-peur et presque sans reproche. Sans un mot, sans un bruit, il se détourna et plongea dans les jardins. « Miss Ophélie !» appela la voix alarmée d'Ambroise. « Quel était ce bruit? Vous n'êtes pas blessée ?» Cette dernière contempla le corps du vieux balayeur, un trou au milieu du front. Il perdait progressivement de sa consistance, devenant plus transparent de seconde en seconde, laissant bientôt deviner le marbre sur lequel il était étendu. Quelques instants plus tard, il avait intégralement disparu, comme s'il n'avait jamais existé. « Je vais bien !» répondit-elle enfin. Elle n'avait jamais été si soulagée de prononcer ces mots.